Les chasseurs de nazis. Chapitre 8. Un ultime baroud d'honneur. Troisième épisode. C'est où ça, Ludwigsburg? 90 000 habitants, mais quand même, c'est pas une grande ville. À Ludwigsburg, dans la banlieue de Stuttgart, pour l'affable procureur Jens Rommel, c'est aussi l'heure du bilan. Bilan de son engagement, de son rôle à la tête de l'Office central d'enquête sur les crimes nazis. Et c'est toujours la même question. Hein. C'est intéressant, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Même entre juristes, c'est la grande question. Même le maire de Ludwigsburg, dans les années 60, n'était pas trop content avec cet office. Il pensait que sa belle ville baroque n'était pas apte à abriter une telle organisation. Il y avait des conducteurs de taxi qui refusent de conduire ici comme on allait investir les copains, les camarades de la guerre ici. Alors on donnait l'adresse de l'hôpital qui est juste à côté. On allait à pied les derniers mètres. Périodiquement, il se rend sur les lieux des crimes de masse, c'est-à-dire au sein des camps de concentration et d'extermination. Mais pourquoi aller aujourd'hui à Auschwitz au milieu des touristes qui font des selfies? Pour trouver quoi, plus de 70 ans après les faits? J'ai travaillé comme procureur avant, et là, dans des graves cas comme des meurtres, je me suis rendu sur place, sur le lieu du crime, et j'ai pensais toujours que c'est très important de comprendre la situation. Et c'est vrai aussi pour les camps de concentration. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé à Auschwitz, mais c'est encore plus grave pour les camps d'extermination comme Treblinka, Sobibor. Presque tout bâtiment a été détruit. C'est difficile de saisir la situation là. Mais c'est le premier pas. Le deuxième pas est de faire connaissance avec les gens là, les musées, les mémorials, et ce qu'on a établi sur place, pour comprendre est-ce qu'ils ont d'autres preuves pour nous. Comme notre travail est comme un jeu de puzzle, on doit trouver une pièce très très très petite, mais ça peut faire partie du mosaïque à la fin pour établir la durée de la présence de la personne dans ce camp. C'est-à-dire, on va demander, est-ce que vous avez des listes des gardes qui sont arrivés à Auschwitz ou qui ont quitté Auschwitz, des personnes qui ont reçu une promotion ou à un garde, est-ce qu'on a donné partie de l'uniforme à lui? Si c'est le cas, c'est une petite preuve que la personne était à Auschwitz à la date donnée. C'est-à-dire, c'est un double but, comprendre la situation et trouver des indices. Ce bâtiment était un prison pour les femmes. On a ici des juristes, des magistrats, disons des juges et des procureurs qui sont envoyés de leurs institutions d'origine ici. Et on a aussi des policiers ici dans cette institution. Combien de personnes en fait travaillent avec vous? On a 8 personnes qui sont juristes, 2 traducteurs du polonais et du russe, pour que ce sont les pays où les crimes ont été commis. Puis on a d'autres personnes pour les archives et pour l'administration. En somme, on est 20 personnes. Le budget annuel, c'est quoi? C'est 1,2 million d'euros. Et donc, qui paye? Les 16 lenders. À la fin de cette mission juridique, on ne va pas terminer ici à Ludwigsburg, mais on va transférer cette institution dans un centre d'information, de documentation et de recherche. Est-ce qu'on joue un petit peu sur les mots? La réputation de l'office central ici, dans les années 50, 60, 70, ça n'a pas été vu aussi par certains comme une caricature de justice, comme un alibi pour faire des choses, pour montrer aux alliés que la nouvelle Allemagne fédérale faisait des choses, mais en fait, ce n'était pas vraiment le cas. C'est difficile à décider. Il y a beaucoup de gens pour qui c'était trop ce qu'on faisait ici, surtout pour les Allemands. Et il y a des personnes qui disent non, c'était plus une sorte d'alibi pour montrer aux alliés à l'étranger qu'on fait quelque chose. C'est-à-dire, je pense que la vérité est au milieu. On a vraiment essayé de faire quelque chose ici à Ludwigsburg, mais à l'autre côté, on a passé à côté beaucoup d'autres choses. Il y a eu quand même aussi des tentatives de mettre des lois d'amnistie, de, on va dire, recycler beaucoup de gens qui avaient eu maille à partir avec la justice pour qu'ils réintègrent des postes dans l'administration, dans la justice, dans la police. Entre les années 50 et 70, la nouvelle Allemagne libérée du joug des alliés, on pourrait dire du regard plongeant, a recyclé nombre de gens qui avaient des fautes morales, voire plus, sur la conscience. Oui, c'est vrai, et c'est aussi frustrant de voir combien de personnes coupables ont été réintégrées dans la société et dans les institutions de l'administration, mais aussi de la police et des tribunaux. Mais à l'autre côté, malgré ces personnes, la démocratie a évolué. Est-ce qu'on peut ouvrir un dossier que vous avez là, donc un des derniers dossiers que vous avez transmis, peut-être pour que vous nous disiez, un dossier, c'est quoi comme pièce? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Concernant le camp de concentration Ravensbrück, c'était un camp pour des femmes. C'est-à-dire, on avait des femmes comme prisonnières, mais aussi à l'autre côté, en ce qui concerne les gardes. Et on a... Pardon. D'abord, un long rapport expliquant le résultat de nos investigations, c'est-à-dire on explique pourquoi on a ces cas aujourd'hui. On commence avec M. Demjanjuk, c'est vrai, les récentes décisions contre M. Gröning et M. Hanning, et puis on explique ce qui s'est passé dans le camp de concentration de Ravensbrück. D'abord, qu'est-ce qu'un camp de concentration? On doit expliquer cela comme les procureurs dans la République fédérale ne sont pas des experts, des spécialistes pour les crimes nazis. Hein. C'est concentré ici. Alors, on doit expliquer la nature du crime. Et la nature du crime, c'est la machine d'extermination dans le camp de Ravensbrück. Et puis, on va continuer avec les faits concernant la personne précise, les dates personnelles, puis la fonction et la présence dans un camp de concentration. Un dossier, c'est combien de pages en tout? Alors ici, ça paraît être pas trop long. On a ici une, à peu près 200 pages, mais ça correspond à un carton de déménagement. C'est quand même un dossier dangereux, comme on a beaucoup d'informations cachées ici sur ce CD. 13, 8, 9. Efraim Zuroff à Jérusalem a lancé l'opération Dernière Chance, c'était déjà en 2002. On est 16 ans plus tard, en disant, bon voilà, dans 10 ans, tout ça sera fini. Oui, on estime à peu près la même période, disons vers 2025. Il est presque impossible de trouver quelqu'un coupable. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis. Ah, cool. Une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.